quel courage, les pensées en famille. Les ça va par amour, même si Nena dans elle. Là-bas, les ça travaille, polissons et son famille. Pour mon papa en mer, la case intilimier. Poli y est clair, pour mon papa pécé. Au lointain, pour la mer, papa pour moi la paix. M'imagine toujours si vous rentre la case. Imagine toujours si vous rentre la case. Les passes nuit et jour en bord la mer. Polygène courage, les pensées en famille. Les ça va par amour, polygène ils sont bossés, manger. La balise à travail, polygène ils sont famille. Pour mon papa en mer, la case est une lumière. Polygène est clair pour mon papa baisser. Papa pour moi la paix. M'imagine toujours si vous rentre la case. M'imagine toujours si vous rentre la case. Quand il pense au bébé de la vie, tout sacrifice pour faire pour ta famille. Papa baisse pour nous pour affronter la mer. Ouais, ouais, ouais, ouais. Métier baisse. Imagine toujours si vous rentre la case.